good time. I take the bedtime and I don't even seem to care. I need you to know that you will always be Merci d'avoir supporté ce massacre. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Enfin. Je vais essayer de me rattraper avec autre chose, parce que là, franchement, c'est pas bien joué, hein. Pas a time when we hear a certain call in the world, there are people dying, choice for making. Shannon, vas-y, chante. D'accord, Benjamin, d'accord, d'accord. Vas-y, fais-moi un rythme, je vais te chanter du Phil Barnet. Les yeux fermés pour cause d'un menteur. Elle se balançait dans un vieux rocking chair. Dans son jardin d'hiver, il faisait toujours beau. Se mettre le cœur ouvert.